ok, ok. Yo yo, yo yo yo yo. Ouais ouais. Ok, ça dit quoi ici? Comme une fleur qui fane, l'espoir s'envale et ça condamne. Quand tu m'appelles, tu vas vos âmes, guillotiné sera mon crâne. Pourtant mon corps sans tête, Asinaki, le cavalier sans tête, combattant sans cesse pour la liberté de mes frères. C'est ma seule arme, comme Babylone, c'est mon savoir qui la somme. Elle semble un coup d'histoire, j'ai chopé le temps, on bat les cornes en main. Ma tête est fière, la vérité vient de l'enfer. Ma plume écarte la terre pour que le mensonge en l'enterre. Inimitable, ma folie n'a d'égal que l'intonable. Faux cannibale, c'est terminé, maintenant te voilà au terminal. J'ai trop la rage, plutôt verbal de dire ce qui me dérange, ça me démange. Et tant mieux si ça remue tes ménages, je me ménage. Respecter le fond, la forme s'ensuit. Non, mon tout fond, factice. Dis la notice, c'est pleine de vices. Fils, c'est pas humain, épique. Donc, pas la même époque. Laisse la tragique de l'homme. Mais sur la mort, prends pas ta porte. Le monde, l'argent rend idiot. Plus t'en as, plus ta place est dans les hôpitaux. Dans les rues de Babylone, zone. Au pire, je m'isole. Le diable, au petit soin, putain, je deviens libre. Voyez ton petit qui se remplissait les boyaux de tantis. Vivait dans la mer, dans la tête, un candy. Fuck les bourses cotées qui nous mettent de côté. Les parachutes dorés à des kilomètres de ce bordel. Fuck le footpiste, des concours de beauté. Dès qu'on l'ouvre, c'est pour dénoncer son époux de biche. Fuck les comiques au micro, ignorant l'ancienne école qui croit se maintenir au niveau grâce aux rimes de Dico. Œil pour œil, dent pour dent, mytho pour mytho. Dans le hip-hop, les masters aiment niquer l'audito. Pas compétitif, mais j'étais déjà le 1 en 84. Crédible sans prendre l'allure, Napoléon Bonaparte. Entre mes joies et mes pleurs, j'ai qu'une chose à dire, elle m'écœure, cette terre. À force me ramasser des bétons, je suis victime d'un cœur de pierre. Mes soeurs, mes frères, c'est l'heure, le stress se lève, faut que je te parle de ma joie. J'aime ma famille, mes proches, car c'est eux qui m'aident à garder la foi. J'aime le rap, tu peux pas comprendre, c'est trop culturel. Je te parle de ma joie, donc là je me dois d'écrire un truc sur elle. Je remercie mes frères et j'oublierai pas tout ce qu'ils m'ont donné. Ceux qui savent kicker le beat quand une odeur de bleu leur monte au nez. Passe le stick, il faut que je recharge toutes mes batteries. Je vois pas la vie en rose, la voix plutôt floue comme dans un bar trip. Je marque un temps d'arrêt, je dédicace à mes grands arrêts. Ceux qui savent faire mal avec la parole plutôt qu'avec un cran d'arrêt. Ok, ça c'est dit, je prends le temps de faire des casse et dis. Je dois ma feuille au stylo pour pas que ma vie finisse en tragédie. En caisse mes phrases très vite et dis-moi pas que c'est pas terrible. J'arrive avec l'équipe, on se répand plus vite que les bactéries.